بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سندخل في المسألة 59 59e مسألة. On a passé celle d'avant, 58e, car elle est longue et elle est un peu difficile à expliquer, et surtout pour des gens qui n'ont pas déjà étudié les bonnes bases de Usul al-Fiqh. طيب قال في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Parce que là, Allah dans le sens il dit que celui qui tue quiconque tue un croyant volontairement, alors sa récompense ou plutôt sa rétribution sera le feu de l'enfer éternellement, et que Allah lui fera subir sa colère et qu'il le maudira et qu'il lui a réservé un châtiment douloureux immense. An-Nisa, verset 93. La masala va être un peu plus longue que d'habitude. On va essayer de résumer et de traduire directement certains passages pour écourter le ders. Donc maintenant, c'est un verset qui pose un problème à beaucoup de gens et qui est une porte qu'ont tenté d'ouvrir beaucoup de gens de la déviance et des passions. قال هذه الآية تدل على أن قاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك. Donc ce verset laisse entendre que celui qui tue volontairement n'a pas le droit à la tauba et qu'il sera éternellement au feu. Et d'autres versets sont venus montrer l'opposé de cela. كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que Allah certes ne pardonne pas qu'on le soucie quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. An-Nisa, verset 48 et verset 116. Et sa parole où il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Dans le sens où Allah dit que ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité ou qui ne tuent pas la vie sans droit, que Allah a rendu interdite, qu'il ne la tue sans droit, n'am, hormis celui qui sera repenti et qui aura cru et œuvré de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah leur pardonnera leurs mauvaises actions en bonnes. Al-Furqan, de 68 à 70. Wa qulu ta'ala, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, que Allah pardonne tous les péchés. Az-Zumar, verset 53. Et certes, je suis le grand pardonneur, c'est-à-dire de toutes choses, pour celui qui se repent et qui croit. Taha, verset 82. Donc là, tous ces versets démontrent que la seule chose que Allah ne pardonne pas, c'est le fait de mourir sur le shirk. Donc il a dit, pour joindre entre ces versets, il y a différentes façons de le faire. Ils vont en citer certaines, pas toutes. أولا أن قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا لأن مستحل ذلك كافر وقاله عكرمة وغيره. Donc il a dit maintenant dans sa parole, dans le sens où il dit que l'attribution de celui qui aura tué volontairement, c'est-à-dire un croyant, qu'il sera au fond de l'enfer éternellement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Celui qui a rendu cela licite. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est halal. Il dit qu'il est permis de tuer un mu'min volontairement. D'accord ? Le fait de tuer un mu'min volontairement, pour lui, cela est permis. À ne pas confondre avec la qadia des Khawarij, qui eux voient que tu es rendu mécréant, donc ils te tuent pour cela. Là, il parle de celui qui tue un mu'min. Il sait que c'est un mu'min et il le tue volontairement. Et il dit que cela est permis. Et il le tue dans une chose qui ne revient pas de droit, qui n'est pas légiférée. Par exemple, ce n'est pas une sentence. Donc celui qui rend cela permis, dit que cela est halal, lui c'est un kafir. Comme ce fut la parole de Ikedema et autres que lui. Et là on va traduire directement la chose sur laquelle, le dalil sur lequel se base certains ulama, que le verset est descendu sur qui? Sur Marqiyas ibn Subaba, qui s'était soumis à Allah Azzawajal. Il est rentré en islam, lui et son frère Hisham. Ils étaient à El Medina. Et un jour, Miqyas a trouvé son frère mort dans le quartier des Bani Najjar. Bani Najjar, c'est parmi les tribus d'El Medina. C'est ceux dont fait partie Anas ibn Malik. Donc on a trouvé son corps mort sans savoir qui l'a tué. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à toute la tribu de payer la diya, le prix du sang, car on ne savait pas qui était le tueur. Donc les Ansar, parmi les Bani Najjar, ont donné 100 chameaux. C'est le prix du sang. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ces chameaux-là avec un homme de Quraysh, de Bani Fihr. Ils envoyaient tout cela à qui ? À Qiyas. D'accord, le prix du sang de son frère. Donc qu'est-ce qu'il a fait Miqyas ? Miqyas est parti rejoindre cet homme qui a été envoyé, délégué par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec les 100 chameaux. Il a tué cet homme-là, c'est-à-dire Miqyas a tué l'envoyé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a apostasé de l'islam, puis il a pris l'un des chameaux qu'il a enfourché, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti avec tous les autres chameaux à Mecca. Donc il a apostasié, il a tué volontairement cet envoyé, et il s'est sauvé avec la diya. Car la diya n'est pas que pour lui, la diya est pour tous les aouliyés de celui qui a été tué. Elle n'est pas que pour son frère, mais pour tous les aouliyés. Donc là, on sort des passages. « وَعَلَى هَذَا فَالْآيَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا يُمَاثِلُ سَبَبْ نُزُولِهَا بِدَلِيلِ النُّصُوصِ الْمُصَرِّحَ بِأَنَّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَخْلُدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي النَّارِ » Donc, ce verset est propre, spécifique à ceux qui ont agi comme agi Miqyas. Et ce n'est pas général. Pourquoi ? À cause des autres textes qui sont venus montrer que le croyant ne sera jamais éternellement dans le feu. D'autres textes sont venus pour montrer que le croyant ne sera jamais éternellement dans le feu. Il en sortira un jour. Donc on ne peut pas attribuer ce verset dans l'absolu de façon générale. Ça c'est la première réponse. Al-wajhu thani an al-ma'na fa jazaohu in juziya ma imkan an la yujaza. In taba aw kana 'amalun salihun yarjuhu bi 'amali as-sayyi. Wa hadha qawl Abi Hurayra wa Mijlaz wa Abi Salih wa jama'a min as-salaf. Donc deuxième réponse, c'est que sa rétribution, c'est-à-dire qu'il soit au feu éternellement, c'est la rétribution qu'il mérite si jamais il la reçoit. Car il peut qu'il soit pardonné, si jamais il fait tauba. Ou alors, par exemple, qu'il ait des œuvres pieuses qui l'emportent sur ses mauvaises. Ça, c'est la parole de Abu Hurayra, et de Abu Mijlaz, et de Abu Salih, et d'autres parmi les salafs. Donc cela, également, ça réfute ceux des Khawarij, des Takfiriyin, qui servent de ce verset-là, et qui se prétendent salafis. On leur dit des sahaba comme Abu Hurayra n'ont pas expliqué ce verset-là comme vous le comprenez. Et deux parmi les salafs, parmi les hommes des salafs. Donc si vous êtes salafi, vous devez revenir à quoi ? À la compréhension des salafs. Al-wajhu thalith an al-ayata lit-taghliz fi zajr. Zakara hadha al-wajh al-khatib wal-alusi fi tafsirayhima. Et d'autres réponses qui étaient données, c'est que cela, en fait, c'est pour montrer la sévérité du châtiment que mérite celui qui agit de la sorte. En fait, c'est une dure menace. D'accord ? C'est une dure menace. Des paroles dures pour réprimander celui qui agit de la sorte. À l'exemple de cela, ils ont pris comme preuve le Mufassilou qui voit ce qu'on a, la parole d'Allah où il dit « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » Que celui qui mécroit, alors certes Allah se passe de l'univers. C'est-à-dire « وَمَنْ كَفَرَ » Celui qui a mécru, ce terme-là est employé pour qui ? Pour celui qui n'a pas fait le hajj. D'accord ? Celui qui n'a pas fait le hajj. Alors qu'il est connu par d'autres adillèques, celui qui n'a pas fait le hajj. D'accord ? Sans excuse, il n'a pas mécru. Mais là, Allah Azzawajal a employé le terme mécroire. Pourquoi ? Pour montrer la grandeur de ce péché et pour réprimander celui qui agit de la sorte. Également, dans le hadith de Miqdad, il a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de tuer un homme qui aurait dit La ilaha illallah parmi les kuffars. Qu'est-ce qu'il lui dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? La taktulahu, fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taktulahu wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula al-kalima allati qala. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Ne le tue pas. Car si jamais tu le tues, il sera du même statut que toi avant que tu ne l'aies tué. C'est-à-dire du fait que tu étais un croyant. Et que toi, tu sauras de son statut à lui, le statut qu'il avait avant qu'il n'ait dit cette kalima, qui est la ilaha illallah. Ça veut dire en apparent que tu auras le statut du kafir. Du kafir. C'est l'apparent du texte. Et le Nawawi, parenthèse, il expliquait ce hadith en disant en fait que ce sera du statut que ton sang en fait sera devenu licite. Du fait que tu auras tué un mu'min. Amdan biril haq, ton sang sera devenu licite du fait que il y aura le qisas. Et que lui, après qu'il ait dit cette kalima, son sang sera devenu comme le tien actuellement, c'est-à-dire avant que tu ne l'aies tué, car toi tu es un musulman et à la base ton sang est illicite. Donc lui, après qu'il ait dit la kalima la ilaha illallah, son sang est devenu illicite, comme toi, à la base, en tant que mu'min. Mais c'est pendant le fait que toi tu l'aies tué, ton sang est devenu licite, du quoi, par rapport au talion, qu'est-ce. Ça, c'est une réponse qui était donnée par rapport à ce hadith. Donc en fait, le shirk veut dire par là, comme il le dit lui-même par la suite, que c'est du kufr d'une kufr, c'est-à-dire du kufr asrar, mineur. Et également, parmi les sens voulus dans éternellement, khalidan, al-khulud, chez les Arabes, ça vient au sens de longue période. Une longue période. Comme beaucoup de ulama le disent. Khalidan, ça veut dire en fait, tu resteras là longtemps au feu, et non pas éternellement. Et la langue arabe est venue appuyer ce sens-là. Parmi les abiyats de poésie qu'ont été donnés, le shirk est dans cette une-là, il y en a plusieurs. Il dit فوقفت أسألها وكيف سؤالنا ثم خوالد ما يبين كلامها. Dans le sens où il dit que je me suis mis à l'interroger et comment serait notre question pour quelqu'un qui n'entend ou quelqu'un qui reste longtemps muet. ثم خوالد. Ça y est. C'est-à-dire qu'il ne répond pas à ma question. Je pose une question à quelqu'un qui est resté muet une longue période devant ma question. Donc là, il a bien dit « Summan khawalid ». D'accord ?« Summan khawalid ». Et d'autres versets également sont venus. Vers de poésie. Mais le shir, lui, il voit que le « qawl sahih » pour lui, c'est le premier. Ainsi que le deuxième. Le premier, qui est Ma'adha, celui qui a rendu cela licite. Et le deuxième, c'est la sévérité de la menace. Et d'autres ulama, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? قال حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواه وما سواها والعلم عند الله عز وجل. Et que d'autres ulama, ils ont dit que Ibn Abbas a dit que ce verset-là abroge tous les autres versets. Et Ibn Abbas lui voit qu'il n'y a pas de toba pour celui qui tue. Et malgré cela, c'est un coup sur lequel il est revenu par la suite. Et le shir répond en disant sur le fait qu'il n'y a pas de toba pour le qatil, le fait de dire qu'il n'y a pas de tawbah pour celui qui tue, il répond à cela en disant que ce qui apparaît, c'est que celui qui tue volontairement un mu'min, quand même, il est désobéissant à l'en tawbah. En citant les mêmes versets cités auparavant, parce que Allah pardonne tous les péchés, premièrement. Et également, quand Allah, قَدْ تَوَافَرَتْ الْأَحَادِيثَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Qui sortira du feu toute personne qui avait un atome de foi dans son cœur. Donc cet atome de foi n'empêche pas le fait de faire des ma'asi. Mais son iman est très très bas à cause des ma'asi qu'il aura commis. وكذلك parmi les adilés qui dit قال صرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول, que celui le tueur est le frère du tué parmi les musulmans. C'est quoi la preuve? فمن عفي له من أخيه شيء. Dans le verset du Qisas, du talion, qu'il dit, celui qui aura pardonné à son frère en quelque façon. C'est-à-dire du fait qu'il l'aura tué. D'ailleurs, donc il a bien dit, man rafiya lahu min akhihi, celui qui aura pardonné à son frère. Et que le croyant, le frère du croyant n'est que le croyant comme lui. Également, la parole d'Allah où il dit, wa in ta'ifatan min al-mu'minin iktatalu, et que s'il y a mes deux groupes parmi les croyants, se combattent. À la ma'ruf, et que Allah a nommé les deux comme étant des mu'minin, alors qu'ils sont combattus jusqu'à s'entretuer. قال وبما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل لأن الله رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت عليهم. Et parmi également les preuves que celui qui tue volontairement, et ça c'est un dalil qui est qawi, qui est fort, celui qui est croyant, qui tue volontairement un autre croyant, il a une tauba, comme le prouve le hadith de celui qui a tué 100 personnes à l'époque du Bani Israël. Cet homme qui a tué 100 personnes. Car quelqu'un pourrait dire, mais les 100 personnes, on ne sait pas qui ils étaient, peut-être c'est des koufars. On dit non, parce que dans le hadith, à la fin, il a tué des gens qui étaient les gens du livre. Et il a demandé... un homme savant, il a été envoyé vers un moine et il l'a tué. Parce que celui-ci lui a dit, il n'y a pas de tauba, il l'a tué. Cet homme qui était tué, c'était un croyant. Ensuite, il a demandé, le plus savant des gens, il était emmené vers un savant qui lui a dit, qu'est-ce qui va faire obstacle entre toi et la tauba? Donc il lui a dit, il y a une tauba. Cependant, c'est quoi la condition qu'il ait pour que sa tauba soit acceptée à lui? Qu'il fasse la hijra, qu'il parte vers une terre où il y a des gens qui adorent Allah Azzawajal. Donc le shiri dit, si les gens de Bani Israël, cela leur a été, un homme de Bani Israël, cela leur a été pardonné, nous avons encore plus en droit de l'être. Nous, les muslimouns, la oumma de Mohammed, sommes encore plus en droit de l'être. Naam. Wal'ilmu 'inda Allah ta'ala. Donc ça c'est la réponse qu'il a apportée par rapport à ce verset-là. Walhamdulillah bil alamin.